L'un me dit « Il n'y a plus de lait à la cuisine ». L'autre me dit « Je n'ai plus de détergent pour laver la vaisselle ». Un employé me demande une augmentation. Un autre ne veut plus travailler le dimanche. D'autres ne veulent plus travailler le lundi. Marie, la femme de chambre, me dit « Jeanne est plus jeune que moi et elle gagne plus que moi. Je veux gagner plus qu'elle. » Alors, je la paie plus. Jeanne arrive immédiatement et elle me dit « Marie est moins jeune que moi, c'est vrai, mais je suis aussi travailleuse qu'elle. En réalité, elle travaille moins que moi. Alors, je veux gagner autant qu'elle. » Que faire? Tous les employés se plaignent parce qu'ils ne gagnent pas assez. Mais je ne gagne pas assez, moi non plus.